Les présidents voyagent et disent des discours et se serrent la main. Et les princesses auxquelles on a volé l'amour se meurent de chagrin. Y en a qui pleurent encore Rudolf Valentino. Hélas, il est au ciel. Depuis 1900, y en a qui prennent en photo la même tour Eiffel. Ça nous fait rire, sourire et dire laisse aller la musique. Les gens s'agitent, s'excitent, font vite laisse aller la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je t'aime, tu m'aimes, laisse aller la musique. Le monde passe et l'on s'embrasse, laisse aller la musique. Tous les dimanches, le Saint-Père au Vatican lève les bras au ciel. Tino Rossi chante depuis plus de 20 ans. Petit papa Noël, nous achetons toujours des disques américains, des jeans et du soda. Sur leurs chevaux, tous les gardes républicains passent comme autrefois.